Bonjour, je viens à la préfecture pour renouveler ma carte de séjour, s'il vous plaît. Quand est-ce que votre carte expire ? Elle se termine le 22 août. Oui, parce que vous savez que vous devez déposer votre demande 2 mois avant l'expiration de la carte de séjour. C'est la première fois que vous renouvelez votre carte ? Oui. Et quelle est votre situation ? Je suis étudiante en master à l'Université Paris 3. D'accord. Vous poursuivez vos études l'an prochain ? Oui, bien sûr. J'ai terminé mon master 1 et je vais faire mon master 2 professionnel à Paris 3 après. Vous pouvez justifier que vous poursuivez bien vos études ? Oui, bien sûr. Vous vous appelez comment ? Magdalena Sanchez, avec un S à la fin. Très bien, je vais vous donner un rendez-vous. Vous vous présenterez à la préfecture de police le 15 juin à 14h30. Vous devez fournir votre passeport ou carte d'identité, 3 photos d'identité récentes, tête nue. Ensuite, le préfet examinera si les conditions sont remplies. Le coût de la carte, mention étudiant, est de 55 euros. Ah non, ça c'est le tarif pour les stagiaires. Pour les étudiants donc, c'est 30 euros. Bon, d'accord. Et si vous n'obtenez pas le renouvellement de votre carte de séjour, vous recevrez par courrier un refus de séjour. Ah bon ? Et dans combien de temps le courrier ? Ah, ça c'est difficile à dire. Une 15aine de jours, sans doute. Merci, au revoir. Au revoir.